Mais qui ne veut pas briller? Mais qui ne veut pas briller? Avant sur nous nous arrières. Avant sur nous nous arrières. Je serai plus fort qu'hier. Je serai plus fort qu'hier. Si seulement vous saviez. Si seulement vous saviez. Aujourd'hui là je suis mon type. J'écris mon texte et tu vas kiffer. Quand tu dis normalement tu fais. Ne pleure pas normalement tout fait. Me mélange pas, je préfère rester dans mon coin. Rigole pas trop, tu vas te prendre mon coin. La mise un regard, sourire un coin. Je peux toucher la béquille sur le rond-point. Étant petit, je voulais conduire un BM. Avec mon Lacoste et mes TN. Mon cœur est trop lourd, ce n'est pas d'un réel. Tu me vis sur Facebook, je te vise en réel. Moteur allumé, je me sens à balle. Je fume sur le calumet, ça me donne la dalle. Si les femmes d'amour, je fais pas trop à la salle. Vers ça tombe lourd, mon doigt, je leur cale. Ça alors, moi je dis pour le bif, c'est la chasse à l'homme. Assume tes actes, mais pas de calotte. C'est pas ta salope. J'suis pas chérie, j'ai que mon cœur à t'offrir, ma chérie. Rends pas fou, dans ma tête, c'est la guerre comme en Syrie. Je m'inspire de ma life, j'vois des trucs de malade. J'm'entends toujours au pire. Arrêtez vos salades. Je m'inspire de ma life, j'vois des trucs de malade. J'm'entends toujours au pire. Arrêtez vos salades. Mais qui ne peut pas briller avant sur nous arrière. Je serai plus fort qu'hier.